arrêtez de travailler, arrêtez de rentrer vos instruments, de sortir vos... Arrêtez de jouer avec vos instruments. Quelques secondes, là, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'être attentif. Parce que là, c'est très sérieux, là. Merci de m'avoir ouvert la pitoune. La pitoune. Adrienne, je vous donne 20$. Non, c'est pas... non, merci, soyez attentif. Et ça, là, ce que je vais vous lire là, c'est tout à fait véridique. Il n'y a rien d'inventé. Le peuple s'affiche. Sans le savoir, plusieurs font partie de... non, j'allais dire non. Oui. Dites pas non, c'est oui. Oh, d'accord. La négation amène la disposition. Ça, c'est intéressant. On va prendre ça dans les universités, là, s'il vous plaît, si vous voulez étudier ça sur ce concept sociétal que monsieur vient de sortir comme ça, comme un postillon. Oh, un postillon narratif. Monsieur. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'engagerie? C'est qui? Il est engagé. Pas engagé, l'engagerie. On peut dire ce que vous avez dit, là, sans aucun problème. Oui, voulez-vous répéter? Ah, ben là, le public l'a entendu. Les petits garçons en avant, là, qui rentrent et qui sortent, là, arrêtez-vous quelques secondes, je vous l'ai dit, là. On va dire quelque chose d'important que le peuple a lancé il y a 2 semaines de ça. Le peuple, j'ai pris ça en note, parce que moi, là, quand ça se révèle à moi, là, si je l'écris pas, on me croira pas. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Selon Claude Blanchette. Hey, on le nomme, là. Claude Blanchette. J'ai pas dit TQ Boudreau, là. Claude Blanchette. C'est un homme qui existe, là. Je vais même vous dire son travail. Il va te poursuivre. Ah, qui me poursuit, là, moi? Il l'a dit. Selon Claude Blanchette, qui est un chauffeur de taxi de la ville de Québec, pas du Népal, pas de Tombouctou, pas de Montréal, de Québec. C'est une belle ville, Québec, là. Plus c'est beau, plus c'est bizarre. Mais oui, quand vous regardez quelque chose de sublime, c'est tellement extraordinaire que ça peut pas être vrai. Donc, c'est bizarre si c'est pas vrai. Je crois rêver. Ben oui, Québec est un rêve. Claude Blanchette est un rêve. Mais sa formulation, elle, n'est pas un rêve. Parce que je lui ai donné un cadeau. Très souvent, lorsque je vais en voyage, par ici et par là, partis et partout, un peu partout sur la planète, francophone, uniquement francophone, je suis un unilingue, moi, là. Je suis un handicapé langagier, moi, là. Je n'ai pas une double formulation linguistique, moi, là. Je n'ai que le français pour me tenir. Et je ne le tiens pas très bien, le français. J'aimerais bien la manipuler davantage. Je travaille fort là-dessus. Je lis les grands textes. Ben, pas trop grand, parce que ma lunette, on m'a dit, si vous lisez trop grand, trop gros, vous allez rentrer dans les mots. Et moi, rentrer dans les mots. Exemple, le mot... Abandon, rentrer dans l'abandon. Hey! J'aimerais pas ça, rentrer dans l'abandon, moi, trop longtemps. 15 minutes, ça va, mais 2 jours, 2 semaines, 2 ans dans l'abandon. On demande, s'il vous plaît, dans le corridor, la mère de TQ Baudouin. Il est dans l'abandon. Mais oui! Depuis 2 ans. Mais oui! Hey, il est en pleine recherche, on le cherche dans l'abandon! Rentrer dans les mots. Le mot amour, ce sera volonté. Amour, là, jusqu'à la fin de mes jours. Ah, j'ai aimé. J'ai aimé la Vierge Marie. J'ai aimé mes proches, pas trop proches, mes lointains amis, mes cyber amis, beaucoup plus que mes réels amis, puisqu'avec l'ordinateur, je peux fermer la machine, tandis que devant Mme Tremblay, je dois endurer la machine, l'engagière qui ne veut pas s'arrêter, et La loi m'a dit que je ne pouvais pas frapper sur une mâchoire. Sinon, c'est la prison. Elle a bien raison, pas la prison, mais la loi de me dire cela. Ça me rend très gentil. Et je garde à l'intérieur, je garde. Comme M. Blanchette, qui lui n'a pas gardé cette citation, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'émettez-moi. Merci. Un peu plus vers là. Oh, monde, merci. Comment ça couche de ce côté? Les gens peuvent pas. Oui, merci. Vous entendez là? Il n'y a pas de problème vers le. On est-tu vers des. Bon. M. Blanchette, qui est un chauffeur d'air, on le sait, ça là. C'est pas un coiffeur. Quoique, il a déjà été laitier, ce monsieur-là. Il a fait tous les métiers du monde, sauf le plus vieux. Clo-clo. Ah, et puis quand il arrive là, dans l'établissement dans lequel je travaille, je crie lorsque je le vois. Oh, Clo-clo, mon héros! Alors, Clo-clo Blanchette, qui est chauffeur de taxi, je dirais pas quel numéro, 51, je dirais pas quelle compagnie, 8123, m'a dit, il y a 2 semaines, sérieusement, là, parce que je lui avais ramené un souvenir, une tour Eiffel. Il m'a dit, « Hey, la tour Eiffel, elle est penchée. » Lui, il était convaincu que la tour Eiffel était penchée. Et là, je me suis penché parce qu'il avait le regard descendu vers ses pieds. Je lui ai dit, « Clo-clo. Clo-clo. C'est pas la tour Eiffel qui est penchée. C'est la tour de Pise. » Ben, je te crois pas. Il est toujours dans... Lui, là, c'est la pure négation. Je l'ai dit tout à l'heure, là, mais il est négatif. Je dis, Claude, voyons donc. La tour Eiffel n'est pas penchée. C'est sûr que si tu te penches la tête, tu vas l'avoir penchée. Mais si tu as la tête droite, là, comme un bon Québécois, heureux de vivre, là, la tête droite. Pas trop d'idées, là. On ne demande pas d'avoir le... que le Québécois ait des idées. On lui demande d'avoir la tête droite. C'est déjà bien, là. Pas celle de l'autruche, là. On n'est pas des Canadiens, on est des Québécois, c'est... Ben, hein, tu fais du bien! Mais c'est ça, alors donc, ce... depuis quand, Claude? Alors, des fois, je bifurque entre le tu et le vous, je ne sais plus si je dois le tutoyer, le vouvoyer, mais là, quand je sens qu'il s'éparpille, je le ramène avec le tutoiement. Claude, réveille-toi. La tour Eiffel n'est pas croche. Peut-être que les gens qui y montent le sont. Beaucoup de touristes, hein? Peut-être que quelques-uns aimeraient bien la faire sauter. Ou se faire sauter sur la tour. Non, se faire sauter, madame. Ah bon, c'est mon rêve. Ah, c'est votre rêve. Ce n'était qu'un rêve. Oh mon Dieu, elle, c'est de se faire sauter. Non, mais chacun ses idées, chacun sa. Mais Claude, là, confondez pas Eiffel et Pise. Pise, please. Let me go, please. Mon James Brown, please arrive. Please. On dirait vraiment James Brown, ouais, à 4h du matin. Please arrive. Quand tu fais bien noir et que beaucoup de fontaines ont coulé. Des fontaines de jouissance. Oh, turn on light. Hey, monsieur. Turn on light. Oh, l'accordéon. C'est pas de l'accordéon, ça. C'est la. Hey, monsieur. Hey, attends un peu, là. Tu te trompes. T'es-tu un Claude? Toi, là, tu sais pas faire la différence entre un accordéon et un harmonica. L'harmonica, son moteur, sa façon d'évacuer des sons provient uniquement par la bouche, de la bouche. Ça vient uniquement de la bouche. Ou du nez, si vous voulez faire les rigolos. Là. Ah, ça fait faire des soirées incroyables. Après ça, remettez-vous pas ça dans la bouche. Quoique, ça nourrit son petit garçon. Bon, OK. Alors donc, on y va avec l'harmonica. Pas l'accordéon. C'est un instrument avant, mais mon Dieu, activé par les doigts, l'accordéon. OK, on y va. Et c'est par mon ami J.C. Wall que j'ai invité à un radioton il y a quelques années, à CKRL 89.1. Jambalaya from fish pie. Here we go. pas oublier ce beau temps-là. Et j'en garde le souvenir au fond de moi. Attention. Je sentais que le public était pas prêt pour le jambalaya. Alors, s'il vous plaît, on se calme un peu. Si vous avez quelque chose dans les mains, déposez-le. Si vous ne l'avez pas, prenez-le. Et si vous êtes dans une situation tout à fait particulière, gardez-la, la position particulière. Parce qu'on va faire... Jambalaya, oh, jumbo, l'éléphant va là. Chante avec moi encore une fois. Ouais, saviez-vous qu'Errance Rinaldienne, là, c'est la seule et la première émission de radio en couleur? Il n'y en a pas eu d'autres avant. C'était dans le noir et blanc, dans le confondant, dans quelque chose de très peu palpable. Mais ici, chez nous, à CKRL, il n'y en a pas deux émissions comme ça, là. En couleur. C'est la mienne. Errance Rinaldienne. Yeah! C'est beau, hein? Ça vient du cœur. Oui. Monsieur le Président, pouvez-vous mettre un peu de merci? Monsieur le Président, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Monsieur les photos catholiques, mesdames et voluptés, et vous, pardon, on était en première, on a monté en deuxième immédiatement, puis ça a fait comme, ça a pompé le pneu. Ah, oh, ça a pompé le pneu, ça a pompé le pneu. On ne comprend pas, ça a pompé le pneu. On ne comprend pas, personne ne comprend. Ça a pompé le pneu. Et mesdames les voluptés, il faut résident. Il faut être fou pour être résident. Ah, moi, là, j'ai résidé pendant 17 ans avec ma charmante épouse de l'époque. Charmante, parce que depuis qu'elle n'est plus dans ma vie, je l'adore. Ça a pris quand même quelques temps avant que je me dise... Frais-toi un chemin, mon petit bedon. Ça, c'est moi. Parce que quand je vois que le bedon part, là, mon bedon part, ben, mes jambes suivent. C'est comme tout le reste, la tête. C'est plus tard, la tête. On dirait que c'est bizarre, hein? Ça suit pas. Eh bien, ça suit, mais en décalage. C'est le bedon, les jambes, la tête. Les cheveux, c'est derrière, parce que sont tellement... C'est des Gilles Vigneault de cheveux, moi. Ah, j'ai des... Avez-vous vu ça, vous? C'est la couette en l'air, bien heureux, puis il y a le goût de chanter. Jean du pays, c'est votre foi encore une fois. Quand vous aviez le temps de voter, rappelez-vous. Oh, à ma main, vous aviez voté pour des coups. Et maintenant, on en paye encore les coups. Alors, Monsieur le Président, Monsieur les pas trop catholiques, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Il y a des ondes qui rentrent chez nous. Ça rentre. Faut pas que ça sorte. Tout ce qui reste ici, reste ici, hein? Parlez-en pas aux autres. Gardez ça entre nous, entre vous. C'est une secte. Humaniste, ouverte, libertaire, heureuse. T'es malade? Oui, je suis malade. Alors, bienvenue à la douce émission de variété à l'histoire finement improvisée avec moi-même à Errance Reynaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance reynaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change le chapitre, les chapitres au pluriel. Il y en a 5 chapitres. Est-ce que les gens savaient qu'errance reynaldienne comportait 5 chapitres? Ça devrait être une question aux examens, ça là. De nos cégeps. Au lieu de manger de la drogue, de boire de la drogue, puis de fumer de la bière, là, les dépravés. La semaine dernière, on a souligné les 70 ans de M. Régent Ducharme, l'homme invisible du Québec. Bonne fête en retard, M. Ducharme. Aujourd'hui, le vendredi 19 août 2011, l'errance, les errances reynaldiennes présentent, parce que c'était sa fête le 12 août, à Raymond Ducharme. À Régent Ducharme, pas Raymond. Raymond, c'était demain, OK? Et Régent, c'était le 12. Oh, Régent Ducharme. Aujourd'hui, le vendredi 19 août 2011, les errances reynaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciblot. Oh! Oh, c'est la trompette, monsieur! Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne, danseuse, Barbara Grassi. Barbara Grassi se veut une comédienne autant au cinéma qu'au théâtre. Elle s'exprime également à travers un art des plus rythmés, la danse. Elle enseigne et propage sa passion auprès de néophytes qui, eux aussi, s'exultent à travers cette activité aussi divertissante que sportive. Barbara Grassi tournera également dans quelques jours dans un film de Jocelyn Notet qui s'intitule « Lily ». Elle y incarne le rôle d'une prostituée. En juillet dernier, Errance Reynaldienne se trouvait là, dans le 11e arrondissement à Paris, pour discuter avec cette demoiselle attachante et authentique. Alors, nous vous proposons un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envelouter? Moi, je m'envloute, moi. J'aimerais ça que toi puis moi, là, on s'envloute ce soir pendant presque 1h30, parce que c'est déjà pas... 1h40. Enveloutons-nous pendant 1h40. Oui, je le veux. Alors, merci. Vous avez dit? Oui, je le veux. Oh, mon Dieu. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme reynaldien, bref, place à l'envoûtement, et laissons la zizik nous enchanter. Émotions censurées, j'en ai plein le conteneur. M'accroche au cendrier, m'arrange par les maxillaires. Section rythmique, section de combat, effet secondaire. Séquelles, c'est tout ce qui me reste. Tête brûlée, j'ai plus qu'à m'ouvrir le canadair. N'essayez pas de m'éteindre, je m'incendie volontaire. Sortirait que je suis pas d'équerre. Vol de nuit sur l'Antarctique, j'attends la prochaine guerre.

j'en garde un souvenir au fond de moi. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes et nouvelles. Merci. Ici et maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer. C'était J.C. Wall, je vous l'ai dit. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Là, les gens s'habituent à mon débit, là. Dibi, que dibi, d'amour sur la bouche amoureuse, des deux couples qui s'adorent le soir à la brunante. Un bisi, allez-y, pigez, merci, j'y vais. J'y vais, portaise à mardaise, mardaise à mardaise, la molonienne, c'est mieux. C'est mieux que la peinture à l'huile. Là, j'en ai pris deux. Alors, j'ai dit zunz. Alors, je referme le bisoun, la chose, là. Et donc, la première phrase, est-ce que je dis la première phrase avant ou le titre? Non, la première phrase. Vicky, elle s'appelait Vicky, c'était mon amie. C'était une fille bien comme les autres, c'est pas de sa faute, mais je l'aimais. Ça va, il va le monter. Il va la monter la note. Non, il faut dire monter la note, parce que là, tu dis « Vicky, elle s'appelle Vicky, c'est mon eau minérale. » Non, c'est pas Vichy, c'est Vicky. Oh! Entre Vicky et Vichy, il n'y a que le qui fait chi. Où on chie dans le... Non. On chimère. La chimère. Ça, on va couper, madame. On peut pas couper. Mais allez-vous couper? On peut pas. Allez-y, on peut pas. Mando, on peut pas. Bon, qui? Et vous levez. Qui? Il vient de se lever, lui. Allô? Et vous levez. Vous levez? Oui. Moi, je me lève à chaque fois que je me réveille. vous levez. Ça vient de qui, ça? Hein? C'est quand? Ah, c'est moi qui ai fait ça. Quand? Dans un coma profond? Ah oui. Écoutez. Et vous levez. vous levez. J'aime ça. Ah, ça fait du bien. On se la dilate. Hein? Ah, c'est la petite rate. La petite... Non, c'est un rat. Dans le fond de la... Mais non, c'est pas un rat, c'est une rate. Eh, hey, voyons donc. Le féminin de rat, ben c'est rate. OK. Alors, j'ai le fond de la rate qui radote. Vicky, bon, on va-t-il la lâcher, la Vicky? Non, il faut la prendre. Prenons Vicky, lâchons l'écho. OK. Quoique l'écho, ben, c'est des petites bulles. Oh, de l'eau minérale. Oui, monsieur, de l'eau minérale. Que c'est bon, ce liquide, lorsqu'on est un animal. Oh, mais le minéral animal, c'est pas très bon. Hein? On lui donne combien de 2 points? 3 points? Vous levez. Oui, vous levez. Alors donc, Vicky était une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui, comme dans tous les couples, si on s'imagine qu'un couple n'a pas de problème, la chanson dit « Les amoureux n'ont pas d'histoire, ils ont la toile de vivre le deuil. » C'est faux, un couple. À l'intérieur du couple, dans cette j'allais dire, l'univers, le monolaire. C'est un monolaire que tu l'as pas. Moi, j'ai le monolaire pas tant. Comment tu me dis, monsieur? Comme vous dites? Et vous levez. Ah, moi, je me lève, là. Oh! Et je me bouscule. J'ai peur derrière moi. Mais ce n'est pas mon habitude. Qu'est-ce qu'il disait, donc? Moi, il y a microcosme, macro-micro. Moi, je suis un micro. Ben oui, micro. Un, deux, chargette. OK, microcosme. À l'intérieur d'un microcosme amoureux, il y a des problèmes. Mais ça ne doit pas s'exploser. Ça ne doit pas exploser. Ça ne doit pas s'entendre. Ça ne doit pas s'exhiber en dehors de cela. Sinon, il faut un thérapeute. Qui dit thérapeute dit argent. Qui dit argent dit... Ben, on pourrait s'arranger ensemble, mon amour. On peut parler. Ben oui, mais parler. Quand on parle, puis ça aboutit à rien. C'est ça le problème, là, hein? Quand on... Oh, oui, on va répondre. L'exterminateur. Oui. Oh, l'exterminateur. T'as-tu, Georgette, t'as-tu appelé l'exterminateur? C'est pas Georgette, c'est Vicky. Oh, Vicky, excuse-moi. Georgette, je te prenais pour Vicky, mais c'est, tu joues ton rôle. Ben oui, je ne suis pas le... Je suis Georgette, mais je suis dans le rôle de Vicky. Oh, c'est vrai. Parce que tu ressembles tellement à Georgette. Ben, c'est moi! Ben oui, mais tu me dis que t'es Vicky. Ben oui. C'est moi, Georgette, mais je campe un rôle. Tu campes un rôle. Eh, mon Dieu, tu te prends pour une tante. Ben non. Ben, camper. Ah, non. Au théâtre. Oui. Tu vas au théâtre? Ben, je vais au théâtre. Si on me donne des billets, là, penses-tu que je vais payer pour aller voir des gens? C'est... Oui, je vais au théâtre. J'ai des billets de saison pour deux théâtres que je nommerai pas ici parce que ça fait de la publicité. Oui, je vais au théâtre. L'été, et là, je vais pas faire mon pétant, là, même si ça pète fort avec moi. Ça pète, mon Jean-Marc? Ah, ça pète. Pas besoin de soupe au poivre. On se la pète. Ah ouais. Alors l'été, je vais au théâtre à Paris. T'es malade? Oui, je suis malade. Et mais l'hiver et l'automne, ben pendant la saison théâtrale québécoise, ben je vais au théâtre à Québec. Comment? À Québec. À qui? À Québec. À Québec? À Québec. Oh, c'est du beau théâtre, c'est du très beau théâtre, mais moi je prends les deux meilleurs endroits pour aller voir de l'art dramatique. Là. Puis une qui laisse aller tout l'imaginaire à travers des comédiens pas connus du tout, quoi qu'ils deviendront, c'est vedettes de demain. Et l'autre, ben, c'est un théâtre audacieux, mais quand même assez conservateur. OK, c'est bon. Et là, ouais, c'est ça, Vicky. Oui, Vicky, était là, Vicky. Alors donc, on a entendu le... On y va? Oui. L'exterminateur. Alors, Vicky, tu as appelé l'exterminateur? Non, et toi? Ben, j'ai pas voulu te le dire, là, mais c'est pas les morpions, là. C'est non, heureusement. Non, c'est des petits problèmes, des coléoptères, oui. Parce que moi, j'entends souvent le soir, là, des coléoptères autour de ma tête. Là, on est devant un aéroport. Es-tu certain que c'est pas des hélicoptères? Ben, des hélicoptères. Des hélicoptères? Copter? J'entends des copters. Ben oui, des copters. Ça se peut pas, des copters. Ben oui, mais des... J'entends. Bon, ben c'est bon, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Un, deux, oui, je t'entends. Bon, c'est pas des hélicoptères. Non. Je sais pas, là. Ça colle-tu? C'est décollé? Ça colle les optères? Ben oui, mais là... Là, t'as fait venir un exterminateur. Ben oui, mais là, arrête, il va frapper encore. Oui! L'exterminateur. Oui, on va vous faire rentrer, monsieur Copter. Mais c'est pas Copter Rapaille. Oh, oh! Peut-être que c'est Copter Rapaille, là, hein? Le maire nous l'a fait venir, là, mais... Ce mec se prend peut-être comme un coléoptère. Comment? Coléoptère, OK. On dit, je me crois comme un savant. Ben oui, tu te fais juste... C'est juste à faire croire. Ouais, c'est parce que sinon t'es pas un savant. Non, je suis pas très savant, moi. 1 + 1, peut-être 6, peut-être 9, peut-être. 1 + 1, peut-être. Oh, 1 + 1, peut-être! Hey, Si vous faites des examens, là, l'école n'est pas commencée au cégep. Si vous êtes étudiant au secondaire, il n'y a pas d'enfant étudiantant. Non, étudiantine, donc c'est temps. Ben oui, étudiant, des étudiants temps. Il n'y a pas de jeunes gamins et gamines qui m'écoutent là, à cette heure-ci. Là. Il est quand même très tard. Puis, comment ça, il n'y aurait pas de jeunes? Il fait beau, puis il fait chaud, puis l'école n'est pas encore. Oh, quoique le cégep commence bientôt. Oh, le cégep lycée. Là, on laisse-tu le rentrer, le coléoptère? Ben, tu me mets dans la barre. L'exterminateur. Oui, monsieur. Attendez, mais pouvez-vous attendre derrière la porte, s'il vous plaît? On va discuter, là. Hey, Vicky, tu m'as appelé ça, là. Puis, non, mais c'est toi qui l'as appelé. Oh, c'est vrai, c'est moi qui l'ai appelé. Mais oui, tu vois des hélicoptères. Pas des hélicoptères, des coléoptères. Des coléoptères, c'est quoi des coléoptères? C'est des avions, mais avec des hélices. Oh! Là, ils veulent te piquer. Te piquer quoi? Piquer ton intelligence. Ah, mon dieu! Ils veulent tout savoir sur toi. Oh! Ils veulent capter ton attention. Ils veulent soutirer ton intelligence. Ouais, mais t'en as pas. Ouais, j'ai pas d'argent. T'as pas d'intelligence. Moi, ouais, j'en ai pas non plus, Vicky. T'as bien raison, ma belle Vicky. Vicky, nous sommes que des épaves dans ce monde fou. Nous cherchons et ne ruisselons qu'au printemps que des feuilles mortes. Et nous les ramassons. Et on ne les appelle pas. Pourquoi? Ils ne répondent pas. Ben, c'est vrai, les feuilles ne répondent pas. On les a appelées souvent la semaine dernière, hein? Ben oui, mais c'est pas l'automne. Non, mais on se préparait à l'automne. Ah oui, on jouait des. On aime ça, les jeux de rôle, nous, hein? Ah oui, on se prend. On s'offre des rôles. Ah, quel beau rôle avons-nous. Ah oui, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Oh, c'est beau que ce petit impro pourri. Un impro pourri. Ben, pourri. Pourrais-tu en dire davantage? Ben oui, c'est beau, c'est merveilleux pour les enfants, pour les adultes. Tout le monde a compris, on les embrasse très bien. Et le titre, c'est « Trois poulets ». On peut tout dire ici, c'est la liberté. Il n'y a pas de problème avec l'âge. Pourquoi avoir un problème avec son âge?

Comme le disait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Oh, c'est vrai? C'est vrai. Il te l'a dit? Pas à moi, là, mais à Rita Bibelot, puis à Suzanne, puis à... Il aurait dû prendre la chanson où c'est plus Jambalaya, là, c'est, ça finit. Je suis déçu, ça finit. Et vous vous levez. Ah, vous vous levez, on se lève, oui, on n'est pas réveillé, là. On dort. C'est une émission pour de noctambules, non, pour, comment tu les appelles, non, les gens qui dorment en dormant, là. C'est les sommeilleurs profonds. Non, les, voyons, comment ils appellent, donc, les gens qui dorment, puis qui dorment. Les somnambules! Laurence Rinaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Excusez-moi, les somnambules. Et vous, vous levez. Oui, on n'est pas de bonne humeur, là. Là, c'est le moment, là, c'est très rare à CKRL, puis à Errance, surtout à Errance Rinaldienne, à CKRL, jamais. Jamais, sauf à mon émission. Que l'on se fâche. Et nous sommes fâchés! Errance Rinaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Vas-tu te défâcher? Oui, je vais me défâcher. Rapidement? Très rapidement. Tu défâches? Ah, je t'ai fâché. Ah! Comme une poule mouillée. Monsieur, ça va bien? Ça va très bien. J'ai demandé à ma charmante épouse. Ah, elle est toujours charmante, votre épouse. Ben oui. J'ai pris la meilleure, Vicky. Non, ça, c'est tout à l'heure. Ça, là, c'est terminé, Vicky. Oh! Vous, ça ne gambade pas. Non, moi, quand c'est terminé. Hein. Je ne passe qu'à des anciennes, à des nouveaux. À des nouvelles propositions et les anciennes s'effacent. Oh! Cette semaine, alors elle s'efface. Oui, efface. Épile, efface. Oh, elle doit s'épiler? Non. Ah non, je m'épile et elle s'efface. OK. Cette semaine, et ça, vous épilez. Ah, moi, je m'épile. R-A-Y-N-A-L-D. Non, épiler. Ben, c'est ça, j'épile. Non. OK. On est devant quelque chose d'intéressant. Ça peut coûter cher, là, si j'étais dans le milieu de la maladie mentale. Là, je pourrais lui soutirer bien de l'argent. Attendez, je vais me tendre. Ah, monsieur, oui, ça va bien? Non, OK, ça va bien pour moi. OK, hey, c'est vrai, quand ça va mal pour moi, ça va bien pour toi? Ah, ouais, voilà. Cette semaine, et ça, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Je tourne. Il faut exterminer toute pensée rationnelle. Pardon? C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Monsieur est parvenu, mais on ne sait pas parvenu à quoi. On était déjà en pleine discussion, monsieur. Vous venez nous couper l'herbe sous le pied ou le cloporte, on ne sait pas. Exterminer toute pensée rationnelle. OK. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. OK, il est parvenu. Parvenu. Je suis sûr qu'en disant ça, il a senti une contraction. Il allait accoucher. D'une extermination massive de son intelligence. Ah, c'est ça dans ce milieu-là, hein? Des exterminateurs, là. Bravo à vous, vous faites un travail exceptionnel. Et lorsque vous vous concentrez sur la bébite, là, vous n'avez même pas à extirper quelques insecticides. Elle meurt par votre pensée. C'est ça, hein? C'est pas un métier, c'est de la transmission. T'es un cloporte, tu vas mourir. T'es une bébite, tu vas mourir. T'es un, tu vas mourir. Tout le monde est mort quand un exterminateur passe devant, hein? Sur une rue, exemple. Là. je suis amoureux d'une exterminatrice. Elle me le dit pas, là. Elle me dit, je suis policière, mais c'est pas vrai. En fait, elle dit haut les mains, là, mais c'est pas devant le genre humain, c'est devant des bébites, quoique quelques bébites font partie du genre humain, là, mais d'autres bébites, là, tu sais, des vraies bébites, là, quoique le genre humain, quelquefois, c'est des vraies bébites, là, mais d'autres vraies bébites, là. Elle va-tu le dire, là? Mais non, mais les vrais, là, il y en a pas de fausses, là. Ben oui, à l'Halloween. Moi, je me suis déguisé en Maya l'abeille. Ah, oh, c'est la tapette à mouche. On m'a tapeté dessus. Ah, oh, j'ai eu des bleus pendant 2 semaines. J'ai mangé des bonbons en me disant aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. À chaque fois que je mangeais, aïe, aïe, aïe. Derrière la tête, on me tapait, là. On me prenait pour l'abeille, là. Voyez là, c'est un rôle. C'est Maya l'abeille, mais pas la vraie Maya. Il pensait que c'est une grosse affaire, bébite volante, non identifiée. Ils voyaient l'avion cracher sur leur maison. Voyez, je n'ai pas craché. Je vais vous demander l'aumône. Quelques bonbons pour mes pauvres dents. Je veux enrichir les dentistes. Je ne suis qu'un imbécile venu sur Terre pour payer jusqu'à la fin de mes jours. Et travailler également jusqu'à la fin de mes jours. Me faire suer pour vous payer, madame la dentiste. Alors non, le mot, c'est pas ça le mot, là. Monsieur, on vous a laissé le mot, là, mais... Il faut exterminer toute pensée rationnelle. Oui. C'est la conclusion à laquelle je suis parvenu. Alors, parvenu à un mot dans le grand château de la symbiotique. Mais pas la symbiotique, les gens sont déjà totalement hors d'eux, là. Puis hors d'elle. Regarde-moi hors d'elle. Ah, mais moi, j'étais pas... En début d'émission, je trouvais ça bien. Oui. Et je me suis mis hors d'elle. Ben, c'est vous. C'est moi, hors d'elle. Je me suis mis hors d'elle. J'étais dans un bordel émotif. Un bordel. Hors d'elle dans un bordel. Oui. Est-ce que je peux prendre le micro? Prenez-le. Oh, j'ai le micro. Oh, je le prends. Ah, c'est bizarre, ce micro-là. Ben, c'est un vrai micro, ça, là. C'est professionnel. Ah, man. C'est du quoi? Attendez. C'est du micro, mais on va l'enlever. Attendez. Vérifiez. OK. C'est du... Sure. SM58. Ben oui. Du Shure SM58. On fait de la pub pour le... Mais quoi, c'est le micro le plus utilisé au monde, hein? Michael Jackson prenait le Shure 58. Alice Robbie prenait le Shure 58. Alice Donna prenait le Shure 58. Jean le sais-tu qui prenait le Shure 58? Ah, mon dos. Alors, le mot de la francophonie, du château de la grande francophonie, c'est lumineux. Hey, on le mine dessus, là, ce soir. On le mine dessus, ça brille, hein? Ça brille. Ça brille pas beaucoup, hein? C'est très ordinaire, là. On sent presque la pénombre, puis derrière la pénombre, il n'y a pas trop d'éclaircie, puis on se demande très souvent si... si on se lève, puis lui, il se lève, parce qu'il sent que l'émission, il nous encourage, là. Allez, les gars. Oui, mais allez, les gars. Moi, je chourerai ma poudre à parasite. Il y a peut-être quelqu'un qui m'en veut. Ici, il n'y a personne, là. Attendez, Mme Tremblay, avez-vous pris du chou de parasite? Moi, j'ai pris du chou de Bruxelles. Moi, je chourerai ma poudre à parasite. Il y a peut-être quelqu'un qui m'en veut. OK. Alors, on va faire le tour. Avez-vous pris de la poudre à parasite? Moi, c'est par hasard si j'ai pris le parasite. Oui, mais non, on vous demande pas si vous avez pris le parasite. Avez-vous pris la poudre de parasite? J'ai pris la poudre d'escampette. Oui, mais ça compte pas, là. Parce que la poudre d'escampette ne fait pas partir le parasite. Quoique, vous lui dites « J'ai un emploi pour toi! » C'est vrai que ça fait partir le parasite. Le gars, ben voyons donc, je touche mon chèque de bien-être social depuis 42 ans, moi là. Mon fils le touche depuis 18 ans, puis il a 23 ans, puis il joue à des jeux de Nintendo pendant toute sa... depuis son enfance. Penses-tu on va y travailler? On va pas y amener l'enfer, là. On n'a pas chouravé rien, monsieur, là. Moi, non. Je chouravé ma poudre à parasite. Non, c'est pas nous. Quelqu'un qui m'en veut. On n'a pas d'argent. On s'est acheté des beaux meubles, là, mais c'est pas... c'est loué. C'est ma femme qui a loué ça. Elle gagne pas sa vie. Elle pleure tout le temps. Elle se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Elle pleure. Comme le saule. Ah, mon Dieu. Il est un saule inconsolable. C'est lumineux, cette histoire-là. Oh, mon Dieu. Ça s'illumine vers où? Vers le ciel. Très attentif vers notre pensée. Non, vers nos pensées. Qui se dépensent trop souvent. À des choses factices. Comme de l'eau en bouteille.

la seule émission qui se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Silence! On retourne et retrouve maintenant pour quelques minutes. Et ça, c'est nouveau. Ça. Ah non, mais ça fait quelque temps que je l'ai oublié, remis dans les rancards et par la suite repris. Comme une belle histoire d'amour. Et ça, on tombe sur l'amour hein, ce soir, oui. Parce qu'on vit quelque chose ici, là, à Errance Canadienne, depuis... Ah, c'est vrai, hein? Ouais, oui, c'est vrai. Personne ne sait, mais non. Alors, on retourne et retrouve maintenant, pour quelques minutes, un accessoire mal homologué par l'histoire, un article faussement décrit au fil des années. Aujourd'hui, remettons les pendules à l'heure, comme toujours, avec cet item que l'on aime peut-être, parce que je ne l'ai pas encore lu et je tourne la feuille, la fourchette! La fourchette est un ustensile de cuisine, mais peut servir à faire valser des petits pains ou à piquer la main qui veut piquer notre... Notre quoi? Notre... Par... Kang? King, Kang, Kong, Kang. C'est du chinois, ça? Piquer notre... Parking. En tout cas, si je... En tous les cas, excusez-moi, j'étais pris dans mon dialecte québécois. Piquer le main veut piquer notre... Parion. Ouais, c'est bon, c'est très bon. On vous donne pour cette vision tout à fait étrange. C'est la fin, le piquer notre quoi? Notre... Piquer la main qui veut piquer notre... Ça fait piquer, hein? Ouais, doublement piqué, là. C'est pas très bien écrit. C'est redondant. Quoique la fourchette. Mais surtout la fourche, parce que fourchette, chette, ça, c'est plusieurs dents. Mais la fourche. Le diable a une fourche, n'a pas une fourchette, une fourche. Parce que plus les dents sont distancées, plus on peut en parler. Et en parler aussi. Là. On peut en parler et en parler. Si je veux dialoguer avec vous là-dessus, je peux en faire une dissertation. Au Moyen-Âge, quoique bien des âges avant, mais avant le Moyen, le grand âge, l'âge idiot. Oh, l'âge idiot, c'est le grand âge. OK. Alors, dès le grand âge, le sage tenait dans sa main une fourche. Oh. qui ne s'enfourchait pas, bien sûr. Mais qui orientait les dents vers l'absence? Eh, monsieur, comment tu fais pour orienter vers l'absence? Ben, c'est facile, là. Oui. Je vais te donner un petit cours rapide. Donne-moi un petit cours rapide. Oui, merci. Tu vois l'absence? Non. Comment tu fais pour visualiser l'absence? Ben, lorsqu'il y a un néant. Oh, un néant. Pas un néandertal. Non. Un rien. Oh. Une source noire ou une source vacante. Oh, un cul-de-sac. Un cul-de-sac. Non, c'est pas ça. C'est plus profond que ça. Aïe, non, ça me fait mal, hein? C'est comme si la fourche, mais c'est ça. C'est ça. Une fourche te pique au moment où tu n'y attends pas. Et monsieur, c'est du français, oui. Où tu ne t'y attends pas. Où tu ne t'y attends pas. C'est pas vraiment du français, je l'ai écrit, là. C'est du portugais francophone qui tente de parler une langue qui ressemble. Arrête les qui. Ben, en fait, sous l'absence d'un professeur de français. OK, c'est un français approximatif, très approximatif, tellement. Une petite minute, là, vous avez des informations? Ben oui, nous avons des informations de dernière heure. Hein. On peut dire que le pont de Limoilou est fermé jusqu'à dernier ordre, puisque Mme Lepage de Quaticook veut mettre fin à son pâté chinois et ne sait pas comment le tirer par-dessus le pont. Donc, elle arrête toute circulation. Si vous voulez passer par ce pont, pensez-y pas. Surtout, n'amenez pas cette visualisation dans votre cervelet, puisque vous ne pouvez pas franchir. La dame est là, face au pont. Ils ne savent pas si elle va sauter ou si le produit va sauter ou si ce qu'elle a fait comme mets sautera. Elle a mis beaucoup d'huile végétale mêlée avec du maïs. Je sais, elle se fait haïr, mais devant tant de maïs, va-t-il éclater, là? Ça, une petite minute, oui. Là, vous avez des informations. Ben, c'est ça, on vous dit, là, on vous dit que tout va pas très bien, là, sur le pont. Avignon, passablement bien, il y a un chanteur avec sa guitare pas de corde qui tente de s'accorder, mais comme il y a l'oreille, il se dit avoir l'oreille, comment t'appelles ça, l'oreille digitale, non? L'oreille absente. OK, il a l'oreille absente. Donc, comme les cordes le sont aussi, ça fait pas grand-chose. Puis il essaie de chanter. Il veut bien chanter, mais il n'y a pas de voix qui sort de sa bouche, puisque lui-même est pas très corde vocalement armé. Oh! Ouais, c'est très sérieux, hein, ce qui se passe dans le monde. Une petite minute, oui. Là, vous avez des informations. Oui. Au Portugal, actuellement. Deux petits ratons laveurs veulent se laver les mains, mais la semaine dernière, une habitante de là-bas a coupé les pattes des ratons laveurs. Ils se retrouvent donc sans pattes, sans mains. Sans mains, sans pattes. Sans pattes, sans mains. Sans mains, sans pattes. Hein? Une petite minute, là, oui. Vous avez des informations? Oui, après la pause. Close that.

encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire. C'était bon la musique, c'était très bon. Tout pour la musique, c'est sublime, sublime. Bravo. On n'a rien à dire, là. On a tout à apprécier. C'était ouf. Une petite minute, oui. Là. Vous avez des informations? Ben, on les a dit tout à l'heure. Hein. Il fallait écouter au début d'Errance rénaldienne. C'était à minuit. Alors, si vous nous captez comme ça par hasard et par rasé, mademoiselle, rasez-vous pas. On vous aime comme ça. Monsieur, rasez-vous. On vous aime pas comme ça. Et c'est le vendredi. Et monsieur, sur CKRL, le 89.1 à Québec. Ou Bedon. Oh, le gros Bedon. Le gros Bedon. C'est Abiedon. Abiedon. Ah! Ou bien donc, sur Internet, Errance rénaldienne, vous ouvrez votre navigateur sur goggle.fr, vous rentrez Errance espace rénaldienne et vous trouverez le premier errant qui est moi-même, Rénal Gagné. Heureux de vous parler maintenant. Et qui vous dit encore et encore, replaçons les pendules. Et là-dessus, vous allez voir les vidéos, parce que si vous ne croyez pas qu'il n'y a qu'un seul animateur, vous allez vous en rendre compte. Quoique, avec ce genre de micro-là, ça s'entend. Non, non, ça ne s'entend pas. Ah, vous êtes tellement gentil, monsieur. Non, je suis une madame. Oh, monsieur. Et vous levez. Merci, oui. On se lève régulièrement, là. Et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Relatons la biographie d'une icône illustre du passé revisitée ici et maintenant. Et c'est Régis Legault, maire de la planète Vénus. Là, les gens ne savaient pas. Là, on vient de bousculer quelque chose là, dans notre monde. Là. Une petite minute, oui. Là, vous avez des informations. Oui, bien là, oui. Merci, monsieur, de nous le dire. Là. Nous avons des informations très fraîches. Et ça nous dérange un peu, là. Nous sommes le 19 août. Et c'est la fin d'Errance rénaldienne dans quelques minutes. Là. Attendez, on récapitule. Oui, le 19 août. Monsieur, êtes-vous le 19, vous? Une petite minute, oui. Là. Vous avez des informations. Oui, j'en ai. Attendez, là. Excitez-vous pas, là. Demain, dans les journaux, vous allez entendre cela. Régis Legault. Legault, ah oui, dans sa vie, il a fait des Legos. J'ai fait des Legos pour être un peu idiot. Et je suis marteau. J'ai fait une belle maison qui n'est pas terminée. J'ai fait des beaux Legos. Moi, c'est mon Régis. Moi, mon Régis. Vous êtes votre Régis? Je suis mon Régis. Êtes-vous dans le bon registre? Mi. Moi, mes souliers, moi, mes Legos ont beaucoup voyagé. Ils se sont faits de maison en maison. Moi, mes bégots. Mes mégots, ah, vous avez. Êtes-vous fumeur? J'ai été un grand fumeur, moi. Moi, mes Legos m'ont toujours partagé entre la cigarette et les grandes frivolités. Moi, ma cigarette a déjà été fumée et je m'étouffe sans arrêter. je m'appelle Régis Legault. Ça va très bien, et vous? Ah, moi, ça va bien. Je suis à votre émission. Non, Rénal est parti. Depuis combien de temps? Mais depuis que vous êtes là. OK. Alors, vous voulez dire que je suis Régis Legault? Oui. Et que Régis Legault? Ben, c'est Rénal. Oh, monsieur. Alors, Régis Legault, je suis maire de la planète de Vénus. Je tiens à dire à toutes les Vénusiennes que tout va très bien. On met des bandes de danseuses. Lego, faut faire des danseuses en Lego. Oh, mais ça existe pas. Non, sur Vénus, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. Ça veut pas tenir longtemps là-dedans. Là. L'homme veut pas tenir longtemps là-dedans. Là. L'humain peut pas tenir longtemps là-dedans. Mais des Lego, oh! Alors, Vénus est un endroit de Lego. Oh, est-ce que c'est légal? Non, c'est pas légal. C'est juste de Lego. Lego, pas de légal. On veut pas le légal. Lego. Quoique, à un moment donné, on va amener du monde, des gens, des hommes, des femmes, pour voir l'illégalité en chair et en os. Quoi? En plastique. OK. Pas en chair et en os, en plastique. Excusez-moi, j'ai eu un une effervescence intellectuelle, ça m'arrive pas souvent. La dernière fois, j'ai fait des Lego, toute ma vie, je suis un Lego. Oh! Je suis un Lego. Regarde-moi! Est-ce que j'ai un Lego? Ah, vous avez un Lego très... Ouais, moi, j'ai pas d'Ego, moi, j'ai un Lego. Oh, c'est vrai! Un Lego qui n'égalise pas l'intellectualisme comme on l'entend aujourd'hui. C'est vrai. Ah, vous êtes vrai, véritable. Je suis un véritable. Un véritable Lego. Lego. Comme on veut bien l'entendre, qu'on veut bien le saccager à travers l'enfance. Hein, quand, viens faire des Lego. Viens faire des petits Lego. Ils font des affaires qui n'ont pas d'allure. Là, puis ils sont bien heureux. Hein, ça réveille l'intellectuel. Ah, mon dos. Mais sur Vénus, pas besoin de ça, monsieur. On n'a pas besoin de ça, nous autres, en Lego. On fait affaire avec des professionnels du légoïsme. Oh! On est très égoïstes sur Vénus. Oh! Puis t'as déjà vu, premièrement, là, la seule la légitime faminoïde. On appelle ça les faminoïdes, oui. C'est Vénus. Oh! Le Vénus de bibelot. Oh! Des bibelots. Le bibelot est fait en... En porcelaine? Non, en Lego, les beaux Lego, les gros Lego, les beaux Lego, les gros Lego, les gros Lego, les gros Lego. On aime ça, les égos. Oh, mais ça, c'est vrai. Laurence Rinaldi n'aime pas ça, les égos. Ça, c'est... Ah, non, on est tout à fait en dehors de tout ça. En dehors de tous les égos et centristes, mais on veut quand même que le peuple se sente incorporé dans cette planète qui est... Lego? Non, Vénus. Non, c'est Vénus. Vénus qui est entre Saturnin et puis passe par poil. OK. Habillé, mais passe par poil. Passe par poil habillé, très habillé. Et puis nous, on n'aime pas ça, là. On veut pas vous dire que c'est pas beau, Vénus. C'est juste. Une petite minute, là. Vous avez oui. Des informations? Ben oui. Les dernières informations, c'est qu'il y a une exposition de Lego, de M. Régis Lego, à Québec. Oh! Il va descendre ça de Vénus. Est-ce que c'est vrai, M. Lego? C'est vrai, nous autres, on va descendre ça dans deux semaines et demie. On a tout... on va tirer ça. Alors, il tombera pas de la pluie, il va tomber des sphères de Lego dans des grosses... C'est tellement gros, hein? Oui. Ah oui, c'est gros. Des grosses boîtes. Oh! Emboîtées l'une dans l'autre. Ah, man, c'est du secret. Oui, mais des boîtes... En métal. Ça passera pas aux douanes. Non. C'est pour ça que ça descend du ciel. Ils vont dire que c'est des ovnis. Ah, ben, les terriens, c'est des imbéciles. Ils voient quelque chose de bizarre dans le ciel. C'est des extraterrestres. Oui, vas-y. Extraterrestres. Regarde-moi l'extraterrestre qui voit ça. Là. Il se fait bien draquer dans les airs. Il se lève. Hey, des extraterrestres. Mais rendors-toi. Ils vivent pas le même parallèle que nous. C'est un autre parallèle. Mais oui, c'est un même parallèle. À trop de parallèles, tu n'as plus d'aile. Alors tu piques. Alors tu piques quoi? La curiosité? Et vous levez. Alors, vous vous levez souvent, là, vous, Monsieur Legault. Lego, non, pas Legault, Lego. Lego, Monsieur Lego, excusez-moi, Monsieur Lego. Vous vous levez souvent? Ah, je me lève jamais, moi, là. Sur Vénus, on dort pas. On fait des Lego, on a des Lego, Lego. Oh! Là, Laurence Rinaldienne, là, on veut faire sur Vénus, là, la symbolique de votre émission. Oh, pas la... On n'a pas, non. Avez-vous fait notre... pas la carte du ciel, Monsieur Tremblay? Oui. Avez-vous fait le... Non, on n'a pas fait d'effigie. Il n'y a pas d'effigie à Laurence Rinaldienne. On va en faire une effigie. On va en créer une, Laurence Rinaldienne. Puis là, vous avez une invitée exceptionnelle. Elle est belle. Elle est douce, elle est gentille. Elle est comme... Elle est danseuse, elle est comédienne. Là, c'est vrai, c'est plus qu'une comédienne, là. C'est une grande chanteuse-danseuse. Ah oui, Barbara Grassi. On veut faire de Barbara Grassi sur Vénus un monument magistral. Oh! Alors, il y aura Laurence Rinaldienne sur Vénus et notre invité. Votre invité va être là, va être embrassé par tous les extraterrestres qui vont s'atterrir, là. Mais elle a vu des bûcherons. Ah, oh, il n'y a pas de bûcherons, là. Il n'y a pas de bûcherons. Mais Laurence Rinaldienne va en inviter peut-être des bûcherons. Ah non, il n'y a pas de bûcherons, là. OK, bien, on peut dire que c'est terminé pour vous. Ah, c'est terminé. Puis l'émission aussi. L'émission aussi. OK, bye, à la prochaine. OK, bye-bye. Bye-bye, à la prochaine. Ah, ouais. Merci de l'avoir dit, hein. Ça, on se réveille, là. Et vous, vous levez. On se lève, puis on vous remercie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre très sage et très cartésienne et très soutenue et intellectuellement très maîtrisée de cette émission qui vous fait sans doute un peu suffoquer. Errance rénaldienne. Une petite minute, là. Oui. Vous avez des informations? Oui, c'est terminé. Il y a des esthètes manichéens qui font peur au créateur. Il y a ceux qui jugent la beauté comme on déshabille une ombre. Lui, il dit, je suis un guitariste. He says I am a guitarist. Il squatte au cinquième étage, il y a toujours de la lumière. Il vit son indépendance comme un outsider. Des jouets en métal posés sur des étagères. Puis des lunettes noires et ses Stratocaster. He says, I am a guitarist. Il y a des petits monstres ailés qui chahutent son décor. Ou des gnomes en plastique qui hantent ses accords. À côté de son matelas, y a une pile de BD. Des images fantastiques ou des lutins dessoudés. He says, I am a guitarist. Il écoute le lézard dans la FM du coin. En croquant du caviar ou des fruits sans pépins. Il écoute des cassettes de rock pur et dur dans la tête. La musique au bout des doigts, il parle de ça tout le temps. Oh yes, yes. Il jette un regard ironique sur les chanteurs de prise unique. Il exorcise ses angoisses urbaines sur un magnéto 4 pistes. Il tisse des toiles d'araignée électriques comme des clôtures subsoniques. He says, I am a guitarist. Artiste individualiste. Musicien anticonformiste. Les équilibristes et les filles imprévues, ou les leaders en cavale et les histoires vécues. Il va voir des concerts des groupes anglais inconnus, ou des expos marginales et des films sans issue. Il y a des esthètes manichéens qui font peur aux créateurs. Il y a ceux qui jugent la beauté comme on déshabille une ombre. Lui, il dit, je suis un guitariste. Je suis un guitariste. Je suis un guitariste. Yes, it is. Je suis un guitariste. Oh, yes, it is. Je suis un guitariste.

traqué, Roméo en pédalo. Bronzé, bronzé, que les filles sont des Vénus en maillot. Tout nu, tout nu, on ne pense plus qu'au safari, fesse partie. Bronzé, bronzé, on va traquer les petits corneaux, quel boulot. Allez, vacances, allez, vacances. Moi, quand j'y pense, ça me dérange. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.